Tout de suite, c'est Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi à vous. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Nous n'avons pas vu de victimes. Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. Cette semaine, politique et grandes étendues. C'est un pays de western un peu quand même. Liberté et reconnaissance. Nous nous comparons toujours avec les États-Unis. Un continent méconnu. Le chef du Parti libéral du Canada, notre premier ministre. La fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Obama, c'était super. Maintenant, Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Vive le Québec libre! On vous retrouve, Gilles Cayatte. Vous êtes depuis hier en notre compagnie pour parler de votre nouvel opus et prochain documentaire d'Histoire vivante à voir sur RTS2 dimanche soir. Vous nous en rappelez le titre, s'il vous plaît. Justin Trudeau, l'autre Amérique. Nous nous sommes quittés hier sur un mot qui vous a fait réfléchir toute la nuit, vous interrogeant sur le qualificatif que vous aviez lâché concernant le pays, le qualifiant de vénal, quant à son économie bien sûr. Pourriez-vous peut-être apporter quelques précisions à ce terme un peu expéditif ? Oui, l'essence du Canada, c'est la colonisation. On peut dire que les Canadiens, c'est un gros mot, mais les Canadiens blancs, quoi, ceux qui viennent des Français et des Anglais, de la colonisation française, sont des colons de leur propre terre. Ils continuent à avoir cette mentalité de colon. Et dans la mentalité de colons, les autochtones, qui sont environ 1 800 000 au Canada, eh bien, leur voix a été éteinte institutionnellement. Il n'y a pas eu, à l'instar par exemple des États-Unis, des violents massacres. Il y a eu des guerres, il y a eu des choses pas très sympas. Mais il n'y a pas eu de mentalité de génocidaire. Mais c'est un génocide, je dirais, culturel, sur la longueur, que les Canadiens ont opéré. De la fin du 19e pendant toute l'histoire du 20e siècle également. Au nom de la pacification des vastes étendues conquises au Canada, la reine Victoria, à la fin du 19e siècle, a signé de nombreux traités avec les Premières Nations. Traités qui reconnaissent certains droits des Amérindiens sur les terres colonisées, tout en officialisant leur mise sous tutelle par l'État canadien, aujourd'hui incarné par Justin Trudeau. Et pourquoi ce déni ? Pourquoi ces réserves ? Pourquoi ces statuts ? Pourquoi ? Parce que la terre, parce que les ressources naturelles, ça n'a pas bougé, même par rapport aux États-Unis. Parce que les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. C'est ça la vénalité. Et profondément, la perpétuation de cette discrimination au Canada à l'égard des autochtones, des Premières Nations, eh bien, c'est pour moi cette forme de vénalité. Alors, vous me dites que c'est une vénalité économique, mais au bout du compte, elle est devenue culturelle. Vous évoquiez hier, Gilles Cayatte, la présence d'hommes de lettres au Canada, d'un riche passé culturel. Certains parmi les hommes de lettres, et notamment des poètes, n'ont pas forcément tout à fait bien tourné, bien qu'ils soient encore célébrés de nos jours. C'est le cas notamment de ce fonctionnaire et poète dont vous avez dû entendre parler, Duncan Campbell Scott, né en 1862 et disparu en 1947, qui a été l'architecte du réseau des pensionnats assez particuliers qui s'occupaient des affaires indiennes. Il n'est pas traité directement dans votre documentaire, mais puisque vous avez dû certainement l'entendre parler, voudriez-vous nous en donner quelques échos ? Le Canada a mis en place un système éducatif à l'attention des enfants dans les réserves qui s'est mis en place à la fin du 19e siècle et qui, en fait, permettait à l'État canadien, à l'État fédéral canadien, de kidnapper les enfants autochtones et de les emmener dans ces écoles qui étaient gérées par l'école catholique, dans leur majorité, où les enfants autochtones étaient assimilés. C'était des écoles d'assimilation. Mais, je dirais la cerise sur le gâteau, mais ça n'est pas la cerise sur le gâteau. Préciser qu'ils avaient été enlevés à leur famille. Enlevés à leur famille dans les réserves, hein, dans des réserves qui sont gérées par l'État canadien. Il faut bien savoir que la moitié environ des autochtones canadiens vivent dans des réserves gérées par l'État canadien, ont un statut spécial qui permet aux Canadiens, je dirais, qui ne sont pas autochtones, de les jalouser, puisque dans ces réserves, où ils sont maintenus dans une pauvreté terrible en général, mais pas tous, évidemment, parce que parfois, ils ont réussi à signer des accords quand il y a du pétrole, qu'il y a des ressources naturelles, ils arrivent à partager un peu. Donc parfois, certaines réserves s'en sortent pas trop mal. C'est grand, le Canada, c'est très divers. Il y a toujours l'exemple du contre-exemple. Mais enfin, bon, la moitié des autochtones vivent dans ces réserves, gérées par l'État. Donc c'est l'État qui donne, qui reprend les écoles, pas les écoles, l'eau. Aujourd'hui, près de 50% de ces réserves n'ont pas de l'eau courante potable. Donc, elle se délite au fur et à mesure du temps. Bref, ces enfants, à partir de la fin du 19e siècle, ont été enlevés, presque, enfin, en tous les cas, forcés d'aller dans ces pensionnats, où ils étaient maltraités, laissés à l'abandon, mal nourris, évidemment discriminés, niés dans leur culture, on leur coupait les cheveux, on les obligeait à parler anglais, on leur faisait abandonner leur langue. Et des drames absolument invraisemblables. Et le nombre de victimes, parce qu'il y a eu énormément d'enfants morts. On parle de 6000. Oui, mais personne ne saura jamais. On parle de 6000 officiellement parce qu'il y a eu une commission de réconciliation qui a autour de ces pensionnats. En 2004. Mais certains historiens disent 18 000. Hein, donc, bah oui, parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Oui, on imagine que le recensement était plutôt discret. Voilà, on ne sait pas trop. On découvre encore des charniers. C'est une histoire extrêmement douloureuse qui ne ressort que 100 ans après. Depuis 3 ans, des témoignages bouleversants sont présentés devant la commission Vérité et Réconciliation qui fait le tour du Canada. Des Amérindiens viennent raconter les terribles années qu'ils ont passées quand ils étaient enfants dans des pensionnats mis en place par le gouvernement canadien pour tenter d'assimiler les jeunes autochtones. Là-bas, au pensionnat, on m'a appris là, que nous, les Indiens, on valait rien. On comprenait rien. On savait rien. On n'avait plus la permission d'exister. 150 000 enfants ont ainsi été placés dans une centaine de pensionnats à travers le Canada. Des milliers d'entre eux y vivront des années d'agressions sexuelles à répétition et de violences qui laisseront des séquelles indélébiles. J'étais l'un de ces enfants. J'ai vu des petits-enfants se faire frapper, abuser, travailler dur, jour après jour, se faire humilier dans une langue qui leur était étrangère. J'ai entendu ces petits-enfants, les sanglots et les cris étouffés par les draps et la rage. Je les ai vus se faner dans une détresse à jamais inconsolable. Certains sont morts. Il m'a baissé mes pantalons. Et puis, il a mis ses mains dans mon anus. Des vies entières détruites. Je me suis mis à boire. Puis à boire. J'ai voulu me suicider. Une dizaine de fois, ou plus. Quand enfin on en sortait, quand enfin on nous retournait chez nous, on était devenu personne. Et le silence pendant tant d'années. C'est pour ça que j'ai gardé mon 50 ans de silence. Des vies ravagées également sur plusieurs générations, car beaucoup de ceux qui ont vécu ces traumatismes ont reproduit sur leurs enfants ces cycles de violence. J'ai vécu aussi de la violence conjugale. Cette commission vise à recueillir la vérité sur cette sombre page de l'histoire canadienne et elle cherche aussi une réconciliation qui sera plus difficile à atteindre. En 2008, le premier ministre Harper a présenté des excuses aux anciens pensionnaires pour cette tentative de génocide culturel dont les communautés autochtones tentent encore de se remettre. J'ai entendu le premier ministre présenter ses excuses aux gens des premiers peuples en reconnaissant que le régime des pensionnats est un crime commis contre les autochtones. La plupart d'entre nous n'y croient pas à ces excuses. Ils ont peur qu'il ne se passe plus rien après, qu'il y ait juste un peu d'argent et pas de geste de réparation. Crois-moi, ils sont encore nombreux à ne pas comprendre ou tout simplement à ne pas savoir. il faut qu'ils sachent. Dans l'histoire du Canada, quand on nous parlait des Indiens, c'était toujours négatif. L'histoire des pensionnats devrait être connue, enseignée dans toutes les écoles, pour que les Canadiens sachent exactement ce qui nous est arrivé. Et il faut bien voir que, par exemple, le père de Justin Trudeau, pour revenir à notre ami Trudeau, est arrivé au pouvoir en 1968, et ses écoles étaient encore en fonction. Et on enlevait encore des enfants, à cette époque-là, on enlevait encore les enfants dans les réserves pour les mettre dans ces pensionnats. Elle ferme très tardivement dans les années 80. 90. Ouais. Alors, les conditions se sont améliorées quand même. Hein. Les abus ont cessé, on va dire, dans les années 70, justement sous l'ère de Pierre Elliott Trudeau, le père de Justin. Mais Jean Chrétien, qui a été Premier ministre du Canada et qui a pris la succession... pas immédiatement, évidemment, mais de Pierre Elliott Trudeau au pouvoir au Canada dans les années 90. Jean Chrétien était ministre aux Affaires indiennes pendant 6 ans. Et il a eu à gérer cette affaire de pensionnat. Et quand moi, je lui ai posé la question, quand je l'ai interviewé pour le film, il a nié qu'il s'était passé quoi que ce soit. Comme c'était pas le sujet du film, je l'ai il pas... Il fallait le mettre de côté. Mais il semble, à entendre un certain nombre d'intervenants, ce que j'ai fait avant que nous nous rencontrions, Gilles Cayat, c'est que les Canadiens eux-mêmes sont très peu connaisseurs de cette histoire. Alors, est-ce que, à interpréter, ça relève vraiment de la chose qu'on ne veut absolument pas regarder, ou qui est tout simplement méconnue, parce que c'est même pas dans les manuels scolaires? Ça commence à être dans les manuels scolaires. Donc, ces écoles résidentielles, on les appelait les écoles résidentielles, il faut le préciser. Les residential schools. Ça commence à aller dans les manuels scolaires, mais effectivement, c'est pas, les manuels scolaires, c'est pas fédéral, hein. Donc c'est pas la même histoire qu'on raconte dans tout le Canada. Hein. Donc ça bouge d'un état, d'une province à l'autre. Donc ça c'est important. Le degré d'autonomie des provinces va jusque là. C'est extrêmement décentralisé le Canada et les programmes sont faits par les provinces elles-mêmes. Je me suis renseigné là-dessus. C'est effectivement pour moi assez important de comprendre ça. Donc ça commence en Ontario, je crois qu'on commence à en parler. Dans mon film, il y a un spin doctor politique, un des spin doctors politiques qui a aidé Justin Trudeau à conquérir le pouvoir. Conseiller en communication, au cas où. Qui s'appelle David Hurley, qui est un type assez bien, je trouvais. Même assez formidable, enfin moi il m'a beaucoup impressionné. Qui dit une chose très forte dans le film. Il dit, parler des autochtones, ça n'a jamais rapporté une voix à n'importe quel candidat canadien au pouvoir. C'est même contre-productif. Il ne faut pas en parler. C'est un sujet dont il ne faut pas parler parce que les Canadiens s'en foutent. Ils les jalousent pour ces histoires d'impôts. Ils ne savent pas comment ils vivent. Ils ne veulent même pas le savoir. D'une certaine manière, quand Justin Trudeau a fait campagne sur ce thème en disant « on va essayer d'améliorer les conditions de vie des autochtones et on va leur redonner une dignité qu'ils ont perdue ou qu'ils ont du mal à regagner », il a suscité un espoir dans ces communautés qui est même gigantesque, parce que là, on attendait tellement de lui. Il était même déraisonnable de promettre autant, sachant que même s'il essayait d'accomplir le quart du tiers de ce qu'il avait promis, il serait de toute façon en position de décevoir. It is time for a renewed nation-to-nation relationship with First Nations peoples. C'est l'enjeu le plus important auquel fait face le Canada aujourd'hui. Avoir une relation équitable et solide avec les Premières Nations. Reconnaître leurs droits, respecter les traités qui ont été signés, les accords qui ont été pris. C'est l'enjeu politique le plus important. Prenons les choses, si vous le voulez bien, Gilles Cayat, dans l'ordre, j'entends par là l'ordre politique, puisque Justin Trudeau, et vous l'indiquez dans votre documentaire, n'a pas du tout l'intention au départ de faire carrière dans ce domaine-là. Il est plutôt hésitant entre mille et une choses. Il entre en politique, on peut dire, véritablement avec un joli épisode, l'aventure Papineau. Alors, dites-nous ce que c'est Papineau et en quoi va consister cette aventure. Effectivement, il a pas mal, je dirais, erré dans sa tête, hein, pour savoir ce qu'il allait faire. Il faut savoir qui est Justin Trudeau avant qu'il commence à rentrer dans la politique. Mais je vais faire court. C'est le fils de Pierre-Yves Trudeau, qui est quasiment l'homme qui a fait le Canada moderne. Enfin, voilà, qui a modernisé le Canada, en tous les cas. Ça, c'est clair. Socialement, sociétalement, et même financièrement, hein, économiquement, puisqu'il a nationalisé, notamment des compagnies pétrolières, ce qui a attiré à Pierre-Yves Trudeau, plus que l'inimitié, la haine de tout l'Ouest canadien. Le nom de Trudeau dans l'Ouest canadien, c'est le diable, à l'époque de Pierre-Yves Trudeau, et au-delà. Il est resté emblématique de ces nationalisations de compagnies pétrolières. Il fera combien d'années au pouvoir, Pierre-Yves Trudeau ? Plus de 15 ans. Avec une année d'interruption de nombre, enfin, ouais, il est resté très longtemps au pouvoir. Donc fils de ? Fils de. Donc petit prince, parce que 15 ans au pouvoir... Le gamin, lui, il a grandi avec son papa au pouvoir. Il naît 3 ans après que Trudeau ait été élu au pouvoir en 68. Et il est souvent sur les photos officielles. Il est sur toutes les photos. Enfin, ils appellent ça les Kennedy canadiens. Il est vrai qu'un grand nombre de ces photos, clichés et autres apparaissent dans votre documentaire. C'est très stupéfiant et presque très rare de voir un homme politique à ce point accompagné de sa marmaille. Ah oui, et en plus il y tenait, Pierre Elliott Trudeau emmenait ses enfants en voyage officiel. Il a fait 86 voyages officiels à travers le monde, Justin. Donc il a rencontré le pape, Maggie, Reagan, il a rencontré tout le monde. Et tout le monde l'a rencontré, il a sauté sur les genoux de Nixon, enfin voilà, non mais c'est une histoire à nul autre pareil. Les photos sont invraisemblables, et même à la limite les quelques photos que je mets dans le film ne rendent pas justice à l'ampleur des voyages. Oui, ça pouvait être un documentaire, lui tout seul. C'est incroyable, d'ailleurs les Canadiens en sont presque fiers de ça, et puis c'était un type bien. Enfin, changer autant de genoux aussi régulièrement... C'était un type bien, Pierre Elliott, il voulait éduquer ses enfants, il voulait pas s'en séparer, c'est lui qui les élevait. Il y a un divorce dans la famille compliqué avec sa mère qui était bipolaire et qui était partie faire les 400 coups à New York dans les années 70. Donc bon voilà, dans la jet set, lui un type un peu rigoureux, un peu janséniste, s'occupait de ses enfants. Donc voilà, bon, une vie de petit prince quand même. Et donc évidemment, quand le père quitte le pouvoir et puis quelques années plus tard décède, bon ben Justin, comme son frère d'ailleurs, se demande ce qu'ils vont faire. C'est quoi leur avenir? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un nom pareil? On peut pas rentrer dans un magasin, dans un resto. Votre visage est connu, enfin de partout, de tout le monde dans ce pays. Que faire? Quoi faire? Et puis il y a un drame dans la famille aussi. Il perd son jeune frère, son tout jeune frère, dans un accident de ski. Dans une avalanche. Grand adolescent. Ouais, voilà. Il meurt à 20 ans, donc c'est un vrai drame dans la famille, qui d'ailleurs va vraiment affecter son père, évidemment, Pierre Elliott, pendant sa retraite, de manière très violente. Et 2 ans plus tard, son père décède. Funérailles nationales, internationales, Carter et Fidel Castro côte à côte pour célébrer la carrière et la vie de Pierre-Éliott Trudeau. Et... Semblant échanger quelques plaisanteries au regard de vos images. Incroyable. Souriante ou quoi d'un autre. Le Canada, c'est cool. Au Canada, on peut se retrouver et discuter. Canada, c'est super. Et Justin qui fait un discours lors de ses funérailles nationales. Magnifique. Extrêmement beau discours. Humain. Sincère, enfin vraiment, le discours d'un fils qui dit adieu à son père et qui finalement n'oublie pas qu'il est devant le monde entier, mais en même temps oublie qu'il est devant le monde entier. Donc c'est la grande force de Justin, cette espèce de sincérité naturelle. Sens de la communication, en tout cas. C'est ce que tout le monde a dit à ce moment-là. Pierre Elliott Trudeau. The very words convey so many things to so many people. Statesman, intellectual, professor, adversary, outdoorsman, lawyer, journalist, author, prime minister, but more than anything, to me, he was dad. Shut them up. C'est vrai que ce discours a été le programme le plus plébiscité de Radio-Canada cette année-là. Il a été rediffusé 4 ou 5 fois pendant l'année. Donc c'était quand même un truc très fort. Et donc il est sur orbite, mais il se pose des questions. Il se pense qu'il n'est pas prêt, il est jeune, il a 28 ans au moment de la mort de son père. C'est un peu jeune. Donc il va errer, il va faire plein de trucs, bon. Et puis le virus de la politique, je pense, va le saisir parce qu'il s'est engagé dans des ONG et qu'il a vu que bon ben sa notoriété lui permettait de faire avancer les choses. D'autant que quand vous dites virus de la politique avec pas mal de guillemets, c'est que la vie politique pendant de très longues années, voire peut-être même décennies, a été au Canada d'un ennui assez marqué. Sauf que les années 70 sont des années de fort remue-ménage avec assassinat politique et d'une certaine manière sous Trudeau, avec toute l'histoire aussi du Front de libération du Québec, la vie canadienne a été beaucoup plus active et peut-être le goût du politique plus épicé. Oui, et Pierre-Éliott Trudeau, fédéraliste convaincu, hein, premier ministre du Canada, d'origine québécoise, mais fédéraliste, a fait un choix très très fort et même assez violent. Hein. Il a mis l'armée dans la rue au moment où il y avait des attentats indépendantistes. Il a fait des choix extrêmement forts. Il a mis beaucoup d'opposants en prison. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué un moment dans le film, pendant la campagne que fait Justin, justement dans le petit quartier de Papineau, on va y revenir, il discute avec un quidam dans la rue, et ce quidam lui dit... Mon père, là, il m'a coûté 3 mois de prison en 70, okay. Pour mes opinions politiques. Non, alors, je ne dirais pas comment je l'adorais, ton père. Ah bah oui, ton père, je m'en souviens très bien, il m'a mis en taule pendant 3 mois, au moment, justement, de ces événements. Donc, effectivement, il y avait une forme d'état d'urgence, et Trudeau n'a pas transigé, et il est resté populaire au Québec, hein, le Parti libéral... Pour ça. Ouais, ouais. Il est assez populaire. Alors, Papineau, c'est une circonscription, on va l'appeler comme ça, de Montréal. C'est un quartier qui est à cheval sur un quartier, je dirais, cosmopolite et un quartier plus bourgeois. Deux quartiers qui se font face au centre de Montréal. Au départ, Justin voulait la circonscription de son père, donc dans le quartier vraiment, un des quartiers un peu chic, il y en a plusieurs, mais celui-ci, en tous les cas, le quartier de Mont-Royal qui était un peu chic. Mais la direction du Parti libéral de l'époque s'est dit « Oulala, on a un candidat sûr sur sa circonscription, on va pas tout bousculer, on va pas mettre un petit jeune qui débute, même s'il s'appelle Trudeau ». Et donc il a pris vraiment les choses à zéro dans cette circonscription qui ne l'attendait pas et où le Parti québécois était dominant, le parti donc indépendantiste. Et donc il a bossé, il a labouré véritablement le quartier pendant 12 mois. Avec un savoir-faire, parce qu'il venait pas du tout de ce monde-là. Alors il a été beaucoup aidé par son directeur de campagne, qui lui était assez madré, qui connaissait bien le quartier, il en venait, et puis il connaissait bien la politique, alors que Trudeau débarquait un peu. Donc il lui a vraiment tout appris, il l'a coaché, fait comme ci, fait comme ça. Alors une anecdote que son directeur de campagne raconte dans le film. Quand on avait choisi notre bureau de campagne, on faisait le tour du bureau. Je lui disais, mais ça va être la partie pour l'entrée d'année. Ça va être la partie pour les appels. Mon bureau, il est où? Je lui disais, je t'en ai pas de bureau, toi. Toi, t'es sur la rue. Ton bureau est la rue. Il dit, moi, je veux pas être dérangé. Je lui dis, c'est ta job d'être dérangé. Va dire bonjour. Alors, il a commencé à avancer. Il est allé parler aux gens. Et ça a marché. Il a très, très, très bien travaillé. Est-ce que les gens l'attendaient? Ou est-ce qu'il a beaucoup promis? En tous les cas, ça a fonctionné. Il a été élu et bien élu. Dès la première fois. Et il s'est fait réélire et il est encore élu de Papineau encore aujourd'hui. Hein. C'est le premier ministre canadien est d'abord un député. Pierre Trudeau était très en forme quand il était premier ministre. Il faisait du sport, des sauts périlleux, tout un tas de choses. Justin est pareil. Je veux dire que physiquement, il est très en forme. Il fait de l'haltérophilie, du jogging. Parce qu'il est beau garçon et qu'il est à l'aise avec les gens. Les gens disent que c'est juste de la frime. C'est complètement faux. Il possède une détermination sans faille. Si Vladimir Poutine a fait état parfois de ses muscles et de sa science de certains arts martiaux, on connaissait moins les capacités de Trudeau dans le noble art. Voulez-vous nous en donner quelques échos, Gilles Cayatt? Bon, Justin Trudeau, ça vous aura pas échappé, Jean est beau. C'est pas mon style, mais enfin bon, admettons. Non mais il est beau, objectivement. Non mais un front de jalousie, ce rayon. Non mais d'accord, mais il a de la gueule, quoi. Oui, d'accord. Il a une prestance, voilà. Parce que c'est un sportif, parce qu'il entretient son corps, comme son père le faisait d'ailleurs, je sais pas si c'est lié, mais enfin en tous les cas, voilà, c'est un vrai sportif, et parmi les sports qu'il pratique, il en pratique beaucoup, mais il y a la boxe. Il est bon en boxe, bon, il est pas boxe amateur, hein. Mais oui, ça. un bon boxeur, il a une technique, il fait ça depuis longtemps, il aime ça, il prend pas énormément de risques, il se fait plaisir, mais il faut être très athlétique, hein, et avoir comment dire, du cardio quand on est boxeur, hein, il faut tenir la longueur, hein, et ne pas avoir peur des coups. Alors il y a les coups, mais surtout physiquement il faut être en pleine forme. À la suite d'une petite rixe politique suite à son élection, enfin dans le Parlement, au Parlement canadien, c'est parfois assez punchy. Ah oui, c'est punchy. Ouais. Oui, on s'insulte copieusement. La vie politique canadienne, c'est une petite vie. Hein. Ottawa, c'est une petite ville. Le Parlement fait face au Sénat. Et puis en dehors de ça, bah il y a des gens qui habitent. Et puis voilà, Ottawa, c'est une ville un peu princesse Magréelle, quoi, une espèce de vie un peu comme ça. Du coup, vous nous donnerez pas dans votre documentaire quelques scènes à l'intérieur du Parlement qui auraient été Non, parce que malheureusement, vous savez comment c'est, Jean, il faut faire des choix, voilà, faire des choix, et parfois il faut avancer. Donc le combat de boxe était plutôt rigolo parce que pour aider une ONG autour du cancer, il provoque un combat de boxe avec un sénateur de droite qui est un karatéka imposant, autochtone et imposant, et tatoué, même si ça n'a rien à voir, et qui fait du karaté, qui est champion de karaté, ceinture noire, je sais pas. La semaine prochaine, comme vous le savez probablement tous, je participe à un petit combat de boxe pour la charité. Et les gens qui ont vu mon adversaire ont dit, Justin, tu l'as-tu vu? Il est plus fort que toi, il est plus méchant que toi, il a plein de capacités, il est féroce, il va jouer dur, il va peut-être jouer sale. J'ai dit oui, c'est vrai, mais j'ai connu les conservateurs, ils sont comme ça. Il avait dit à un député conservateur, il avait traité de piece of shit, morceau de merde. Moi et Justin, on s'aimait pas beaucoup à ce moment-là. Beat the shit out of him. Knock him out. Passe le KO. Et les gens voulaient que je batte Justin. Et donc tout le monde se dit, bah, sénateur, il va ne faire qu'une bouchée du haricot Trudeau. Mais c'était sans savoir que Trudeau faisait de la boxe depuis fort longtemps, qu'il connaissait bien son affaire. Et donc, le match prend une ampleur médiatique évidemment formidable. Retransmis à la télé. À la télé. Une chaîne de télé qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs, mais qui est une chaîne de télé de droite, un peu genre le Fox News local, on va dire. Donc les gens de droite croyaient vraiment que c'en était fini de Trudeau et qu'on n'entendrait plus parler de ce gars-là. C'est-à-dire que c'était la fin de sa carrière s'il se faisait mal. Au vestiaire. Au vestiaire, au revoir Justin. Et en fait, Justin, il savait très bien ce qu'il faisait. Il s'est entraîné comme un dingue pendant 3 mois pour ce match et il l'a gagné, mais haut la main. C'est-à-dire qu'il a failli perdre au premier round. Dès le premier round, quand la cloche a sonné, il y a aussi une cloche dans ma tête qui a sonné. C'était de foncer et de le frapper le plus fort que je pouvais pour tenter de mettre terme au combat le plus tôt possible. Un coup mal placé et puis ensuite il a dominé son adversaire qui n'avait pas la longueur physique pour tenir les 3 rounds. Alors que lui, Justin, il s'était très bien préparé, et il était prêt, et il a défoncé le sénateur en question. Il m'a dit, regarde bien, je vais le battre. Je lui ai répondu, ce n'est qu'un match de boxe. Tu n'es pas un boxeur, tu es un politicien. Je n'avais pas pigé. J'ai regardé le match à la télévision, et c'est là que j'ai compris. Il est sur le ring, il se bat, et il gagne. That's the c'est message. Ça le message. There to, you know, it's not another il n'y a message. Pas d'autre message. That's the message. Are Es-tu sur le ring? Je suis sur le ring. You know? Vas-tu gagner? Je vais gagner. Et là, il s'est mis sur la carte. Il se trouve qu'à ce moment-là, le Parti libéral, dont il est un des cadres maintenant, puisque c'est lors de son deuxième mandat de député, le Parti libéral est en capilotade. Le Parti libéral est à prendre, d'une certaine manière. Et le match de boxe qu'il a mis sur la carte médiatique des Canadiens va l'aider à prendre le parti et à pouvoir se présenter en 2015, aux élections de 2015, comme président du Parti libéral. Gilles Cayette, nous allons nous quitter aujourd'hui, après cette très belle victoire sur le round, et on se retrouvera demain pour parler quand même des petites vicissitudes que connaît Justin Trudeau dans son action politique. À demain. Cet épisode était mis en onde par Jérôme Nusbeau. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Le Canada du libéral Justin Trudeau cultive le paradoxe entre nature sauvage préservée et exploitation pétrolière causant de gros dégâts à l'environnement. Le sort du beluga en voie de disparition dans le Saint-Laurent